Chapitre 2. L'homme s'était assis sur le banc derrière la table. La fenêtre dans le dos, il avait devant lui l'humble intérieur des Guillot et ses trois habitants. C'était un vieux colporteur, de ceux qui vont de village en village, portant toute leur fortune dans un baluchon sur leurs épaules. « Une bolée, père Mathiek ?» offrit Catherine courtoisement. La bolée de cidre, c'est la politesse du breton vis-à-vis de ses visiteurs. Sans parler, l'homme accepta et but une gorgée de l'âpre boisson. Puis, ses petits yeux vifs et perçants sous l'embroussaillement épais des sourcils allèrent de l'un à l'autre, épiant sur les visages fermés les traces du chagrin concentré. Mais il hocha la tête, ne trouvant pas encore les mots qu'il voulait dire. Et peut-être, pour les faire jaillir ou pour se donner du courage, il vida son verre d'un trait. Alors seulement il se décida. « Le malheur a frappé à votre porte, père Guillot. » L'interpellé eut un pli au front comme s'il redoutait les mots inutiles qui ravivent au lieu d'apaiser. Le vieux poursuivait sans avoir remarqué cette réprobation. « J'ai connu la chose avant vous. Les forces m'ont manqué pour venir vous prévenir. » « Mon fils ?» bégaya la mère, soudainement angoissée. Il y eut un tragique silence, puis l'autre laissa tomber l'étonnante nouvelle. « Je suis la dernière personne à qui votre gars ait parlé. » Le souffle court, les parents figés regardaient l'homme éperdument. Erwan, lui, s'était levé, inquiet, prêt à défendre la tranquillité de ses vieux. « Père Mathiek, il y a peut-être des choses qu'on doit laisser dormir. » « Mon frère repose en paix, pourquoi troubler ses cendres ?» Mais la haute taille du père s'était aussi dressée, et sa voix grave ordonnait. « Parlez, Mathiek. Un père peut tout entendre, de ce qu'a dit et fait le fils qu'il a élevé. » Alors, la voix chevrotante du colporteur observa doucement en s'adressant au garçon. « Des têtes blanches ont plus de sagesse. Il est doux et consolant, parfois, au cœur des parents, de savoir comment leur enfant est mort. C'est pourquoi je suis ici, c'est un devoir que j'accomplis. » Un frémissement agita les épaules du jeune homme qui s'assit lourdement au bout du banc. Et comme s'il voulait s'isoler de ce qui allait être dit, malgré lui, il mit les coudes sur la table et cacha son visage dans ses mains. Douce et pâle martyre, Catherine restait debout devant celui qui venait raviver sa douleur. Sur la figure ridée, les larmes coulaient silencieusement, sans qu'elle songeât à les essuyer. « Oui, parlez de mon fils, père Mathiek. » « Je l'avais rencontré à la tombée du jour, » expliqua la voix monotone. « Je contournais la lande en direction de Plevenen. » Lui le voyait vers la Madone du Mont-Brun. Tous deux nous suivions le sentier de la côte. Le vent soufflait, il faisait dur. Vous vous rappelez certainement la tempête qui s'éleva ce soir-là. « Qu'est-ce que mon fils allait faire au Mont-Brun ? » interrogea le père sourdement. « Une idée à lui. Il voulait remercier la Vierge de la Tour qui venait, disait-il, de dissiper sa folie. Lui, si taciturne d'ordinaire, paraissait agité. Il parlait, toujours. » Je n'ai pas bien saisi ses explications. J'ai cru comprendre qu'une jeune fille l'avait traité durement, lui disant de telles vérités qu'il en avait été fou un moment. Mais de l'excès du mal, un bien était venu, et tout à coup, son aveuglement lui était apparu. Si bien qu'il s'en allait à la Madone, comme un fils vers sa mère qui l'a sauvé d'un grand péril et guéri d'un mal effroyable. Tout cet inattendu que le colporteur retraçait de sa voix chevrotante semblait s'épandre dans la pièce où chacun, profondément remué, voyait revivre le grand-fils disparu. Erwan avait redressé la tête et ses yeux, agrandis sous un hypnotisme inconscient, fixaient le vieux avec surprise. « Mon fils était donc en état de grâce ce soir-là ? » fit Catherine, en croisant ses mains avec ferveur, car ce qu'elle apprenait lui était doux à l'âme. « Ah, sûr qu'il l'était ! Il ne parlait que de la Vierge et de sa miséricorde infinie. » « Mais alors comment a-t-il pu se tuer ?» interrogea Erwan, sans se rendre compte qu'il laissait percer son angoissante hantise. « La destinée est inscrite au livre du hasard. Son heure était venue, bien sûr. » Mathiek s'arrêta. Un moment, il fixa le feu d'agent sur lequel la soupe bouillait, puis fermement il affirma. « Yann fut victime de la tempête. » De nouveau, Erwan sursauta. « De la tempête, expliquez-vous. » L'homme le regarda sournoisement. « Avez-vous oublié le temps qu'il faisait ce soir-là ? Je m'en souviendrai toujours, moi. Nous venions de nous séparer. » Yann continuait droit, devant lui, pendant que j'allais vers l'intérieur des terres. Le vent soufflait terriblement. Tout à coup, la pluie déferle, une vraie trompe d'eau. J'entends un grand cri derrière moi, et avant que j'aie pu comprendre ce qui m'arrive, je suis soulevé du sol et traîné sur une cinquantaine de mètres par une bourrasque effroyable. De loin, je vois le garçon enlevé et culbuté comme un fétu de paille. Il était au bord de l'abîme et fut entraîné presque tout de suite sans que j'eue la possibilité d'intervenir, ou qu'il ait eu le temps de se coller au sol. Ah ! C'est épouvantable ! Ce fut vraiment rapide. Certes, il n'a pas souffert, je vous l'affirme. Quant à moi, je n'ai dû mon salut qu'à un miracle. J'ai pu me cramponner aux herbes et pendant une heure lutter animalement contre les éléments. Comment, en pleine nuit, à quatre pattes, sur le sol détrempé, mouillé, transi, ai-je pu gagner une habitation humaine? Je ne sais pas. J'étais fou, d'horreur et de fatigue, et pendant des semaines, ma pauvre carcasse a lutté contre la congestion pulmonaire attrapée ce soir-là. Guérie depuis peu, ma première visite est pour vous, Pierre Guillot. Vous avez bien fait de venir, Mathiek. Approuva le père, dont la voix rauque semblait rouler des sanglots. Tout à l'heure, vous aviez raison. Il est quelquefois réconfortant pour un père de savoir exactement comment son fils est mort. Il est mort en chrétien, jeta la mère qui pleurait éperdument. Tué par la tempête, murmura Erwan, que la stupeur immobilisait. Mon fils ne pouvait avoir péri autrement, observa le chef avec autorité. Le jeune homme ne sut pas si c'était un reproche indirect que le père adressait à celui qui avait douté. Écrasé à la fois de douleur et de soulagement, le pauvre garçon pleurait doucement au bout de la table. Quant au vieux colporteur, sa tâche accomplie, il se taisait maintenant, mais ses petits yeux gris brillaient, plus perçants que jamais sous la lourde paupière qui les dissimulait.